Je parle de volonté, puis je parle de volonté depuis des mois, puis des mois. Puis vous avez pas une idée qu'est-ce que c'est de la... Vous avez pas une crise d'idée qu'est-ce que c'est de la volonté. Tu peux pas avoir de la volonté puis être un toutou, c'est impossible parce que tu souffres trop! Parce que l'intelligence, c'est tellement parfait que quand ça descend dans l'homme, tout ce qui est imparfait, tu le sens, t'en vibres, t'en souffres, tu le corriges, puis tu le corriges, puis tu le corriges, puis tu le corriges par ta volonté. C'est ça la relation entre l'homme et l'intelligence. La volonté, c'est la réaction de l'homme contre le plan de l'intelligence sur la Terre. C'est ça la volonté. C'est la réaction de l'homme contre la perfection de cette énergie-là qui descend en matière. Contre ou avec? Contre! Pas avec! Dans le cul avec! Contre! Fusion! Fusion! Ça! Fusion! La descente, la montée, la fusion. L'unité totale. C'est contre! Parce que l'homme, l'homme. Je vais t'expliquer qu'est-ce que c'est un homme. Un homme, c'est un être qui possède en lui le pouvoir de vivre, d'absorber la perfection. Comme il est dans un médium matériel extrêmement dense, comme il est organisé émotivement et mentalement selon la loi des formes qui subjugue l'homme, qui le coupe de la lumière, il est obligé de réagir et de réagir et de réagir selon ces formes-là en lui qui font partie de sa personnalité, pour éventuellement pouvoir contrôler ça, cette énergie-là. Et pour la contrôler, il est obligé de détruire en lui les formes émotives et mentales. Alors, l'homme agit contre. C'est pour ça que je dis tout le temps, dans ma formule, je disais, quand je disais c'est des chiens, il y en a qui comprennent ce que je veux dire. Je dis, vous riez au début dans le séminaire quand je disais c'est des crises de chiens. Ça, c'était ma façon à moi de parler. Éventuellement, l'homme, quand l'homme commence à réaliser que c'est des chiens, ça veut dire que c'est au niveau de la forme, il commence à réagir émotivement et mentalement à cette énergie-là. Autrement dit, et en réagissant, il tue la forme émotive, il tue la forme mentale. Automatiquement, il se forme un canal, automatiquement, il se forme la fission, automatiquement, les vibrations montent, automatiquement, il passe dans les terres. C'est la réaction au passage. C'est la réaction au passage de l'énergie, exactement. C'est la réaction au passage de l'énergie. Est-ce que pour vivre ce vrai-là, ça serait pertinent qu'il dise, pour être contre l'intelligence, c'est eux autres, mais c'est moi. Ça. Exactement. Fight! Ça, c'est subtil, je vais l'expliquer, là. Quand tu dis qu'il faut être contre l'intelligence, ça veut dire qu'il faut être pour soi. Être contre l'intelligence, c'est être pour soi. En étant contre l'intelligence, on augmente notre taux vibratoire à tous les niveaux de nos corps, vital, physique, émotionnel et mental. Fait que c'est ce qui se produit éventuellement. On se crée la vie qu'on veut tant qu'on existe. Alors, on se prépare automatiquement pour là. Exactement. Exactement. Je vais vous dire une chose. J'en ai parlé un petit peu, je pense, à la conférence. On dit. Les prophéties, toute la niaiserie, là. L'intelligence. C'est tellement parfait, l'intelligence. L'organisation des plans de vie des hommes, c'est tellement parfait, c'est tellement chronométré, c'est tellement... que notre ego à nous autres, nos égos, humain. On n'est même pas capable. On n'est même pas capable d'absorber le choc de la révélation du réel sur le plan matériel. C'est pour ça que c'est pas moi qui m'empêche de parler. C'est vous autres. C'est le monde. C'est le public qui m'empêche de parler. C'est pas moi. Moi, j'aime ça parler. Mais c'est le public au large qui m'empêche de parler. Si les gens étaient dans leur intelligence, je pourrais parler, je pourrais dire des choses que je peux pas encore parler et que je peux pas dire parce que ça créerait des formes tellement vastes que ça retarderait automatiquement l'évolution psychologique de l'intelligence de l'homme. Fait que le seul temps que j'ai une sorte de liberté de parler, c'est quand je vous accroche tout seul, là, deux, trois, quatre ensemble, qu'on est en tout seul, là. Aussitôt que je tombe en groupe, que je tombe dans les conférences, que je tombe dans la télévision, je suis bloqué, je ne peux pas parler. Puis même dans des rencontres aussi intimes que nos rencontres ici, je ne peux pas parler. Parce que pour parler l'intelligence, il faut que les gens soient intelligents. Puis les gens ne sont pas encore intelligents. Parce que les gens ont encore des appétits. Et l'appétit, c'est astral. Moi, je vais vous dire une chose. Je vous le donne comme point de référence aujourd'hui. Là. Un jour, d'ici à 15 ans, vous allez savoir et réaliser, d'après votre propre expérience, que tout ce qui a été dit à l'humanité depuis les débuts, tout ce qui a été dit à l'homme depuis les débuts, même la révélation de Jean, c'est une erreur totale. Mais pas dans le sens que vous le comprenez. C'est pas une erreur dans le sens que vous le comprenez, mais c'est une erreur dans le sens que vous le comprendrez. Parce que de l'intelligence, ça ne s'écrit pas. Jamais de l'intelligence, ça ne s'écrira. De l'intelligence, ça doit se parler. Ça ne s'écrit pas. De l'intelligence, ça ne peut pas être soumis à l'interprétation psychologique de l'homme. C'est une énergie de l'intelligence, ça ne s'écrit pas. Si j'écrivais, si j'avais écrit dans des livres ce que je vous ai dit depuis des mois, vous auriez pensé que j'étais un vrai capoté. Parce que émotivement, vous auriez interprété la forme et vous auriez gardé la forme dans votre esprit, vous auriez mijoté sur ça, vous auriez réfléchi sur ça. Tu peux pas réfléchir sur ce que je te dis quand je te parle. Parce que quand vous êtes avec moi, votre mémoire est neutralisée. C'est ça de l'intelligence. Fait que ce qui a été dit à l'homme, c'est pour soulager son esprit. L'humanité est dans une cuve. Puis sa cuve, il y a un couvercle. Puis sur le couvercle, c'est noir. Il n'y a pas d'intelligence. Quand tu es dans l'intelligence, tu es dans un autre monde. Quand tu es dans l'intelligence, tu ne fais pas partie du monde des hommes dans ton esprit. Tu peux faire partie du monde des hommes avec ton corps, mais tu ne fais pas partie du monde des hommes dans ton esprit. Tu es dans un plan, puis tu es dans un autre en même temps quand tu es dans l'intelligence. C'est une split personnalité. Paf! Ça ne s'écrit pas de l'intelligence seul. Et quand ça s'écrira de l'intelligence, ça va créer un maudit choc. Mais il y aura au moins du monde pour le comprendre, puis d'autres pour sauter. On était aliénés. Parfaitement. Parfaitement, on est aliéné. Parce que nous autres, on pense que l'évolution, elle commence du matériel au végétal, à l'animal, à l'homme, puis qu'on s'en va vers le surhomme. C'est une illusion. L'homme doit vivre de l'intelligence. Nothing else. Puis quand l'homme vivra de l'intelligence, il pourra nourrir son corps matériel. Sans aller chez Steinberg. Fait qu'on est loin de l'intelligence. Comme si c'était à la fois celui qui fait bouger les pixels et le parent. Au niveau des deux gars. Repose-moi d'une autre façon. En étant dans les deux plaies à la fois, t'as le complet contrôle sur la dimension matériel sur ce qui se passe dans le plan matériel. Tu conduis ton cheval. C'est ça. Tu conduis ton cheval. Mais ça. Tu conduis. Qui c'est qui dit ça? Tu conduis ton cheval. L'homme est invisible! C'est une autre façon de le dire. L'homme est un fantôme! C'est une autre façon de le dire. On n'est pas des hommes! C'est une autre façon de le dire. On pense qu'on est des hommes. On n'est pas des hommes. C'est pour ça que je dis l'évolution, c'est une évolution. C'est une vision. Quand tu rêves, tu rencontres un beau gars, tu rencontres une belle femme, tu fais l'amour avec. Ton corps répond, hein? Pourtant, t'es pas là, hein? Ça, c'est un grévé. Un jour, on va arrêter de rêver, fait que même tout ce qu'on va faire, c'est... Quand je dis que l'intelligence, ça ne s'écrit pas, la journée que ça va s'écrire, ça va être écœurant. Ça va être un livre maudit. C'est toi que je dis ça, ça va être un livre. Parce que ça se comprend pas de l'intelligence. Ça se sait. Mais ça se comprend pas. Ça se sait. C'est vibratoire. Le rêve, c'est un produit de quoi? Le rêve, c'est le produit de la mémoire de tout ce qui a été créé par les pensées humaines et l'émotion humaine. C'est un monde fabriqué par l'émotivité et la mentalité subjective de l'homme. Le rêve. C'est ça qu'on dit, c'est un monde d'illusion. Il n'y a pas d'intelligence dans le rêve. Mais il y a du bon sens dans le rêve. Il n'y a pas d'intelligence dans le rêve parce que c'est pas un monde d'intelligence, le rêve. Mais il y a du bon sens dans le rêve. Et pourquoi l'intelligence n'a jamais expliqué à l'homme ce qu'il est? Parce que l'homme n'était pas complet. Aujourd'hui, on n'est plus complet, on a un intellect. On n'est plus intelligent, on n'est plus évolué au niveau de nos principes. Mais il faut là qu'on aille nos principes. Tu peux pas montrer une lampe à un aveugle. Attends qu'il voit éclair. Là, tu montes une lampe. C'est pour ça. Fait que tout ce que l'homme a su, même la tradition, je m'en fous de la tradition. La tradition, elle faisait partie de l'évolution de l'homme. Il n'y a rien de réel dans la tradition. Il y a des ésotéristes qui ne m'aimeront pas tout à l'heure. Il n'y a rien de réel. Y en a-tu qui connaissent la tradition? Qui est qui connaît la tradition? Qui peut me parler de la tradition? Qui est le libraire, le chum? Donnez-moi quelque chose dans la tradition. Là, vraiment, qui a été dit dans la tradition, qui est considéré comme universel, une base solide. Non. tradition, la tradition occulte, où la connaissance de l'homme est cachée, enfouie, tout ça. Un Dieu créateur. Le concept de Dieu, c'est un concept humain. Ça a été donné à des hommes, ça a été développé à cause du rapport entre des hommes dans certaines expériences et des êtres qui venaient de l'autre. Ça a été rapporté dans la tradition chrétienne par le Christ, mon Père. Dieu, ça n'existe pas, le concept de Dieu. L'équivalence réelle de Dieu, ça n'existe pas. La seule raison que ça existe, c'est parce qu'on veut que ça existe. Puis on veut que ça existe parce qu'on pense. Aussitôt que tu penses, tu crées la forme, elle est maintenue. Fait que quand tu as des milliards d'habitants sur une planète qui pensent qu'il y a un Dieu, que ce soit les bouddhistes ou les mahomédans ou les catholiques, c'est évident que la conscience astrale, la vibration dans l'astral est tellement forte que l'homme en est fouetté constamment. Ça n'existe pas Dieu, c'est un concept créé par l'homme, pour l'évolution de l'homme. Aussitôt qu'on pense, on construit une maison dans laquelle on veut vivre. Quand je dis que demain, l'homme ne doit plus pouvoir penser, il n'aura plus à penser parce qu'il sera dans l'intelligence. Quand tu es dans l'intelligence, tu n'as pas besoin de penser. C'est un affront à l'intelligence qu'il soit établi sur la Terre, sur le globe terrestre, qu'il y a un Dieu. C'est un affront à l'intelligence. Parce que ça maintient l'homme dans un rapport entre le supérieur et l'inférieur. Ça, c'est de l'intelligence. Et tant que l'homme va être maintenu dans un rapport entre le supérieur et l'inférieur, l'homme ne pourra pas être dans l'intelligence. C'est pour ça que je déteste la spiritualité. Pas parce que c'est pas bon, mais parce que c'est le point terminal de l'ignorance humaine. C'est les catacombes de l'intelligence, la spiritualité. Mais pour le savoir, il faut que tu sois dans l'intelligence. Sans ça, tu vas le créer et tu vas en avoir besoin. C'est dur de se débarrasser de ça. C'est les catacombes de l'intelligence, la spiritualité. Pas mal comme poésie. Le plus grand fardeau dont devra se libérer l'homme, c'est la faculté de penser. C'est le fait qu'on pense qu'on n'est pas capable de se dédoubler. Parce qu'on pense. Alors, qu'est-ce qui arrive? On pense. On a toutes ces formes-là. Fait qu'on passe dans l'astral, puis on reste accroché là, puis on revient. On n'est pas capable de passer à travers l'astral, le fameux gardien du seuil de Steiner. Allez dans les textes plus ésotériques, la cosmovenie d'Urantia. L'absolu des absolus. Qu'est-ce que ça veut dire, l'absolu des absolus? Qu'est-ce qui se passe dans l'esprit de l'homme quand il est convaincu de la réalité d'un absolu? Spiritualise au bout. Croteau. Ce qui est typique. Quelle différence qu'il y a entre l'intelligence dont moi je parle et tout ce qui est extérieur à ça, qui a été écrit. Il y a une différence tellement grande que il explique, il n'existe pas une explication assez forte pour expliquer la grande différence entre les deux, puis ça ne même pas rien de semblable. Ça ne s'explique pas. L'intelligence que tous les créent, c'est une intelligence qui était. Qui était quoi? Fabriqué, qui n'a pas été créé dans un temps propre, qui a été fabriqué pour un certain besoin. Et l'intelligence que tu parles, c'est de l'intelligence qui est dans le présent continuellement dans le temps. Fabriqué. C'est comme une rocheton foyer dans le fond astral de l'intelligence. L'astral de l'intelligence. Une rocheton de l'astral. Foyer dans le fond astral. Ça l'amène l'homme à se projeter au lieu de s'intégrer. Rappelez-vous de ça, vous. Il n'y a pas de forme dans l'intelligence. Il n'y en a pas. Il n'y a aucune forme dans l'intelligence. Puis le plus grand mystère de l'intelligence, c'est que l'intelligence peut détruire toutes les formes qui sont fabriquées. Puis ça nous amène à la création de l'univers. Pourquoi, comment l'univers a été créé? La question de l'origine, la question de la création, cette question, elle vient d'où, Croteau? La question de l'origine de la création, qu'est-ce qui a créé l'univers? Ça vient d'où, cette question-là? Ça vient de l'intelligence fabriquée. C'est subtil, ça. Ça vient du besoin de l'âme. Fait qu'autrement dit, pourquoi est-ce qu'on n'est pas dans l'intelligence? Parce qu'on est dans la fabrication de l'intelligence. Quand on sera dans l'intelligence, on sera dans l'éther. Tant qu'on ne sera pas dans l'intelligence, on sera dans la fabrication de l'intelligence. Alors, on sera soit pogné dans la matière ou soit pogné dans l'astral, à un niveau quelconque. Alors, tu vois quelle nuance est fine. Tout incombe à l'ego. Rien ne doit incomber à l'ego. Tout incombe à l'ego. Pourquoi? Parce qu'il réfléchit. Penses-tu que ton chien, il s'en crisse d'où vient l'univers? Puis qui c'est qui a créé l'univers? Mais aussitôt que son chien se posera la question, il va commencer à te chier sur le perron. Automatiquement, il va faire une gaffe. Moi, je dis tout le temps, ils me disent que, puis ils me disent que. Je suis obligé de dire, ils me disent que, pour quoi donc? Parce qu'on est dans la matière. Parce qu'on est dans la matière. Si j'étais dans les terres, si on était dans les terres, je dirais pas, ils me disent que. Je ferais mes affaires, puis je ferais mes affaires, puis toi, tu feras tes affaires, puis toi, tu feras tes affaires. Mais ici, je suis obligé de dire, ils me disent que, parce que j'ai une cravate, puis j'ai un corps, puis j'ai des lunettes, puis j'ai une personnalité, puis il faut que je dise, bon, ben, ils me disent que, parce que le gars, il va dire, qui c'est qui dit ça, toi? Tu comprends-tu? Fait que, pour couper ça, je dis, ils me disent que. Ils disent que l'intelligence est parfaite quand elle est véhiculée par l'homme. L'intelligence est parfaite quand... Moi, on dit que c'est intelligent. L'intelligence est parfaite quand elle est véhiculée par l'homme. T'as pas dit. C'est là qu'elle se perfectionne. C'est pour ça que l'homme est si important. C'est pour ça que l'homme a une mission. Tant que l'intelligence ne sera pas véhiculée par l'homme, il y aura du déséquilibre dans l'univers. L'intelligence sera parfaite quand elle sera véhiculée par l'homme. c'est important, l'intelligence. Quoi? C'est important, l'homme. Très important, l'homme. Parce que toi, quand tu dis, ils disent, eux autres sont des êtres. Ce sont des hommes. Les ajusteurs de pensée, tout ça, ce sont des hommes, ce sont des êtres, pas comme nous autres, mais ce sont des hommes. Qu'est-ce que c'est un homme? À quelque niveau que ce soit. C'est un porteur de lumière. C'est ça un homme. Un homme, c'est un porteur de lumière comme les autres sont des porteurs de lumière. Un homme, c'est un porteur de lumière. Ils me disent que, moi souvent, quand je dis quelque chose, quoi que ce soit, ils me disent que c'est comme si on avait la difficulté ou si notre esprit n'était pas capable de concevoir que ça vienne nous autres. C'est pourquoi est-ce qu'on est obligé de dire ça? Parce que l'intelligence, cette énergie, elle fait vibrer le mental. Elle fait vibrer l'émotionnel, elle fait vibrer le vital, elle fait vibrer le physique. Autrement dit, sa puissance est telle que l'homme, pour se soulager du poids émotif et mental, ils me disent que. Moi, quand je dis, ils me disent que je me soulage du poids parce que mon corps physique est trop dense. Je me soulage. L'homme a besoin d'un support. L'homme a besoin de... Un support. L'homme a besoin de se soulager du poids de l'énergie de l'intelligence. C'est comme si on se désengage. C'est comme s'il se désengage. Il y a une petite vibration dans le désengage. C'est pas parfaitement le mot. C'est comme si tu prends pas ça pour acquis vis-à-vis l'ego. Oui, oui, oui, d'accord, d'accord. Oui. Mais il y a un autre aspect, c'est qu'on ne veut pas prendre le poids, le poids qui devient responsabilité. Le poids devient responsabilité. Alors, c'est un mécanisme de protection qui fait partie intégrale de l'intelligence. C'est l'intelligence qui te fait dire, ils disent que... Tout le temps. D'après moi, le poids est là tant que tu as des motifs et des intellects. Au moment où tu n'as plus des motifs et des intellects, le poids n'est pas là. Donc, tu dis, bon, c'est ça. Oui, seulement que... Il y a tout... Oui, mais seulement que... Aussitôt que tu parles, aussitôt que tu canalises l'intelligence, tu as une réflexion de l'extérieur. Ah, encore le poids. Ben, c'est évident. Il y a deux hommes qui parlent ensemble, qui sont dans l'intelligence. À ce moment-là, tu n'as pas besoin de le dire. De ah, c'est ça, exactement. On prend-tu un petit break? Petit café? Pas le matériel. Je peux pas expliquer ou donner les raisons pour le plan de l'intelligence sur le plan matériel qui va se développer au cours des années pour parce qu'il y a trop d'éléments qui entrent en jeu qui éventuellement seront occultes et ainsi de suite. Puis il faut pas que nous autres on soit sur le plan humain impliqué émotivement dans ce que l'intelligence veut établir sur le plan matériel. Et comme l'intelligence travaille toujours en créant des conditions de vie il est évident que ce que l'intelligence créera sur le plan matériel dans les années à venir pour les hommes, ce sera quelque chose qui pourra être vécu par les hommes selon leur degré d'intelligence, selon leur affinité avec l'intelligence, selon leur capacité de voir l'intelligence, de voir le but de l'intelligence dans telle activité sur le plan matériel. J'ai déjà expliqué, là je parle réellement occultement, j'ai déjà expliqué qu'à un certain moment donné, dans la vie matérielle de l'homme, pour des raisons d'évolution vers l'éther, il sera nécessaire que l'homme soit extrêmement libre. Quand je dis libre, je veux dire libre dans ce sens que l'homme n'aura plus ou ne devra plus dépenser de très vastes sommes d'énergie à travailler pour des raisons de vie qui ne servent qu'à alimenter le système dans lequel il vit. À un certain moment, il y aura un retournement de cette notion de travail qui fera que l'homme travaillera pour canaliser ses énergies, parce que l'homme doit canaliser les énergies, il ne peut pas rester à rien faire. Mais les structures qui seront imposées, qui seront données à l'homme sur le plan matériel, seront tellement parfaites que l'homme pourra travailler, mais il pourra maximaliser le travail en fonction des unités d'hommes qui seront dans l'intelligence. Autrement dit, au lieu que l'homme travaille en étant esclave d'un système économique, un système extérieur, l'homme travaillera d'une fonction créative en fonction d'un autre système, mais créé par l'intelligence pour le bénéfice de l'homme intelligent. Et ça nécessitera automatiquement une condition mentale. D'ailleurs, l'homme ne peut pas vivre dans un système ou vivre à l'intérieur d'un système ou créer un système comme ça tant qu'il n'est pas dans l'intelligence. Parce que le système est trop, je dirais pas abstrait, mais trop subtil. Je sais, par exemple, qu'au cours des années, il faut que l'homme qui entre dans l'intelligence ou qui est dans l'intelligence ait 7 points sur le globe terrestre, 7 endroits sur le globe terrestre où il puisse aller, où il puisse être chez lui, où il puisse être en sécurité matérielle, physique, corporelle, où il puisse se relaxer, où il puisse continuer à travailler, mais d'une autre façon, qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui, qu'on ne comprend pas encore aujourd'hui. Je sais que ces 7 points-là que là, c'est allé chez Perret. Je sais que ces 7 points-là sont conformes à la personnalité de ceux qui iront là, qui vivront là, ou qui vivront de ces expériences-là. Je ne peux pas me permettre aujourd'hui d'en parler trop d'une façon graphique parce que c'est pas le temps, parce que c'est pas le temps. Mais je sais qu'en 84, ce mouvement-là va commencer. Et la structure là, de quand je parle d'une charte, ça, c'est encore subtil, la charte. Parce qu'il faut qu'on s'habitue à comprendre comment fonctionne l'intelligence à travers l'homme. L'intelligence à travers l'homme n'a pas besoin de structure. L'intelligence à travers l'homme n'a pas besoin de structure. Mais souvent, l'intelligence, à travers l'homme, au début, va établir des structures, va donner des structures pour que l'homme puisse s'identifier à une forme, mais que l'intelligence demain peut détruire. Parce que l'intelligence, quand elle explique quelque chose, elle explique toujours quelque chose en relation avec des développements ultérieurs de l'intelligence dans l'homme. De sorte que si l'intelligence aujourd'hui parle, par exemple, d'un conseil de femme ou d'un conseil exécutif de femme, quand elle parle de conseil de femme, elle parle d'un nombre de femmes qui sont sur une certaine longueur d'onde. Quand elle parle d'un exécutif de femme, elle parle d'un exécutif de femme qui sont sur une certaine longueur d'onde. La même chose pour les hommes. Mais la longueur d'onde dont elle parle n'a pas besoin d'être structurée à l'intérieur d'une structure. Elle peut être mise en action simplement par la parole. J'ai de la misère à en parler de ça. Quoi? L'intelligence fonctionne exactement comme l'âme la fonctionne déjà. Comme? Comme l'âme fonctionne déjà. C'est intéressant. Ça fait bouger une note intelligente. Dans une certaine substitution, ça n'a pas voir qu'on va envoyer dans le mal. Ça enregistre compte qu'on est bête qu'on va sortir. Mais nos actions sont dirigées supposément dans un sens, mais c'est déjà tout orienté. Oui. Oui. Okay. C'est exactement le même. D'accord. OK. Mais il y a une condition à ce que tu dis. Ce que tu dis, c'est vrai. Mais il y a une condition. C'est que ce plan-là, qui est voilé, doit servir les hommes intelligents. Il est fait pour servir les hommes intelligents. Ça fait partie de l'intelligence dans l'homme pour le servir, lui, en relation avec des événements futurs, des mouvements futurs, ainsi de suite. Je vous donne un exemple. Supposons qu'un homme qui fait partie, qui est dans l'intelligence, vit au Venezuela, ou vit en Argentine. Qu'à un certain moment, il y a une révolution qui rase de tout mettre à terre. Cet homme-là qui est dans l'intelligence sait qu'en Australie, il y a un endroit où il peut aller là, il peut aller vivre là. Puis les structures sont toutes montées là pour qu'il puisse partir du Venezuela pour aller en Australie pour fonctionner parfaitement, sans aucune contradiction, aucune contrainte, avec des gens. Bon, là, je vous le donne d'une autre façon encore pour l'expliquer. Après la guerre, les nazis, après la guerre, beaucoup sont allés en Argentine, beaucoup sont allés au Brésil, et ainsi de suite. Quand ils sont arrivés au Brésil, ces gars-là, il y avait déjà une structure pour eux autres, qui les a incorporés. Une structure en Argentine qui les a incorporés, qui leur a donné une identité, qui leur a donné des papiers, qui leur a donné une maison. Alors, eux autres, ils ont continué à vivre là. Bon, mais c'était un petit peu le même principe. À un certain moment, des hommes devront partir d'un endroit pour aller vivre dans un autre endroit, et cet endroit-là devra être totalement sécuritaire sur le plan matériel. Les vibrations seront hautes, mais sur le plan matériel, au niveau de la forme matérielle, ces endroits-là seront totalement sécuritaires, et l'homme pourra fonctionner là. Et déjà là, il y aura des hommes dans la même intelligence que nous. Le plan est un peu dans cette direction-là, mais il y a beaucoup d'aspects qu'on ne connaît pas. Et l'intelligence fonctionne toujours par étape, par étape, par étape, par étape, par étape, par étape, pour ajuster toujours l'homme à elle, pour que tous ces hommes-là, qui soient de différents endroits, de différentes nations, puissent être sur la même longueur d'onde. Ça, c'est un aspect du plan, de ce plan-là, que je commence lentement à ébaucher. Alors, supposons qu'à un certain moment, mettons dans 10 ans, dans 15 ans, à un certain moment, un homme dans un pays quelconque est amené, de par son intelligence, à rencontrer des gens qui l'amènent à rencontrer des gens qui l'amènent à rencontrer des gens qui l'amènent éventuellement à rencontrer des gens qui sont les points de repère, les points de contrôle de ces environnements-là dans le monde. Alors, ceux qui seront dans la position de décider si c'est le temps que cet homme-là a, là, ceux-là seront dans l'intelligence. En rencontrant une personne qui, eux autres le seront. Alors, s'ils reçoivent de leur intelligence, puis leur intelligence leur dit, bon ben, envoyez-les, dis, donne-y l'adresse en Australie ou donne-y l'adresse à tel endroit, le gars, il part. Ça va. Mais ils veulent pas parler trop plus que ça. Comprends? Mais ça me donne une idée un petit peu. Okay? Parce que j'ai déjà dit, tous les hommes qui sont dans l'intelligence se connaissent directement ou indirectement. Qu'ils soient de n'importe quelle nation. Directement ou indirectement, ils se connaissent. Et dans ces endroits-là, dans ces sept endroits-là, il y aura un taux vibratoire différent. De sorte qu'il y a des âmes qui ne pourront pas aller à tel endroit avant d'avoir été à tel endroit. De sorte qu'éventuellement, ils arriveront à tel endroit. Parce que nous autres, à Québec, on est en changement très rapide sur le plan de l'intelligence. Il y a des gens en Allemagne qui sont en changement intérieur. Ils ne sont pas en changement extérieur encore. Nous autres, on commence à fonctionner en relation de l'extérieur de l'intérieur. Alors, ces gens-là, un jour, vont être amenés par l'intelligence à rencontrer des gens qui sont dans l'intelligence. Puis ces gens-là qui sont dans l'intelligence, les enverront à tel endroit, tel endroit, tel endroit, tel endroit, selon leur vibration. C'est un petit peu ça, graphiquement, la raison pour ça. C'est pas de nos affaires, anyway. Pour le moment. Faut qu'on le vive, puis on va le vivre au fur et à mesure. Si on considère le côté matériel de la chose, le côté légal de la chose, pour qu'il n'y ait pas de légalité, il faudrait que tout le monde soit dans l'intelligence. Tout le monde, là, dans son intelligence. Si tout le monde était dans son intelligence, à ce moment-là, tu n'as pas besoin de structure légale. Tu n'as pas besoin de Puis peut-être qu'il n'y en aura pas de structure légale. Puis peut-être qu'ils vont attendre que les gens soient dans leur intelligence avant de commencer quoi que ce soit. Ça va loin. Là, j'initie la forme. Mais la forme, elle peut se transformer, puis se transformer, puis se transformer. Puis ils peuvent attendre que, tant que le gars ne sera pas dans son intelligence pour fonctionner en dehors des structures complètement, ils ne feront pas le mouvement. T'sais. Ça va loin. Fait, dans le fond, je ne sais pas de quoi je parle. Je sais comment je parle.